secrétaire qu'il connaît plus ou moins bien. Pour l'appeler, il emploie un truc qu'ils ont mis au point, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Ça veut dire bonjour, alors comment ça va? Je suis bien contente de te rencontrer là. Si tu t'en es bien, faire un tour avec moi. C'est ça le sifflet des copains. Pour ce tout petit refrain, le sifflet des copains. Le sifflet des copains.